إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا درسنا الثامن في ودرسنا التاسع في كتاب شيخنا الشيخ العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ومع الفصل الأول من هذا الكتاب، وعنون له الشيخ حفظه الله تعالى إكرام الإنسان بالعقل والفطرة. سي نوتر نيفيام كور، بارك الله فيكم، autour de ce livre de son éminent Cheikh Rabi Habibullah Ta'ala. Et avec le premier chapitre de ce livre, dont le titre est « Allah subhanahu wa ta'ala honore l'être humain avec la raison et la fitra ». يقول حفظه الله تعالى: la fitra, c'est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. وإلى يقول حفظه الله تعالى: وإلى جانب هذه النعم العظيمة والإكرام الفائق لهذا الإنسان، فقد منحه الله نعمة العقل الذي يرفعه إلى مستوى التكاليف، إلى مستوى التكاليف الإلهية، ويؤهله لإدراكها وفهمها، وزوده بالفطرة التي توائم ما يأتي به رسل الله عليهم الصلاة والسلام من الوحي الكريم ومن الدين الحق الذي يشرعه الله وينهجه لهذا الإنسان على ألسنة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. Il dit حفظه الله تعالى dans ce premier passage, dans ce premier chapitre de son livre, et à côté de ces bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a comblé l'être humain, avec lesquels il l'a honoré, en plus de ça, il a doté l'être humain d'un grand bienfait qui est la raison, qui l'élève et qui fait de lui que les ordres vont lui être adressés par Allah subhanahu wa ta'ala et qui font de lui, qui le prépare à accepter ses ordres, à les comprendre et à les mettre en application. Et en plus, il l'a doté aussi d'une nature, d'une fitra qui va de pair avec ce que ramènent les messagers alayhi salatu wassalam, qui va de pair avec la révélation, avec la noble révélation, et qui va de pair avec la religion véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala légiféré et instauré comme voie pour l'être humain par la voie des messages, des nobles messagers alayhi salatu wassalam. Qala ta'ala: faqim wajhaka lid-din hanifan فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Il est dit dans le verset qu'on rapporte chez ici dans Sourate Rum: accomplis ta face dans la religion, dans le monothéisme, accomplis ta face dans le monothéisme, dans la religion. Ça, c'est la nature, c'est la fitra sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens. Il n'y a pas de changement dans la créature d'Allah. Et ça, c'est la religion droite, mais beaucoup de gens ne savent pas. Al-Fitr, Al-Fatr, يقول الشيخ هنا, والابتداء والاختراع والفطرة الحالة كالجلسة والركضة. الفطر الفطر c'est le fait, c'est le début, c'est la création, c'est l'innovation. Et le fitra, c'est la situation, comme si tu dis une assise, ou une position sur laquelle tu es assis, ou une position de monture. والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين فلو ترك عليها لاستمر على لزومها وإنما يعدل عنه من يعدل بالآفة من آفات البشر والتقليد. وهذا نقله الشيخ ربيع من النهاية لابن الأثير في المجلد الثالث صفحة 457. Et la signification de la fitra, c'est que l'être humain, il est né avec quelque chose qui est né en lui. Et une nature qui est née en lui, qui fait qu'elle est dotée de choses qui vont lui faire accepter la religion. Et si on le laisse sur cette nature sur laquelle Allah l'a créée, il va rester dans la religion. Et tous ceux qui vont se détourner de la religion, c'est par des choses qui sont venues de l'extérieur, qui lui sont venues par l'imitation des hommes et par les l'imitation des imams. Et ceci le rapporte Cheikh d'Ibn al-Athir, rahimahullah, dans le troisième tome, Nihayat d'Ibn al-Athir, qui sont des recueils d'explications de termes, de hadith et autres, et le rapporte directement de la page 457 et du tome 3. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد الثالث الصفحة 248 اختلف الناس في المراد بالفطرة وأشهر الأقوال في المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر هو المعروف عند عامة السلف وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه dans son interprétation de Sahih al-Bukhari au tome 3 page 248 il dit que les gens ont divergé sur la signification de la fitra. Et la parole la plus répétée, celle qui est le plus connue, la signification de la fitra, c'est l'islam, c'est la soumission. Abdu'l-Bar, rahimahullah, il a dit c'est ce qui est connu sur la majorité des salaf. Et que les hommes de science qui connaissent l'interprétation disent que le murad, ce qui est voulu avec la parole d'Allah, sallallahu Fitrat Allah, la création d'Allah sur laquelle il a créé les gens, ça veut dire la soumission, ça veut dire l'islam. Fahada ikhwat al-islam, tamhidun min al-shaykh, rahil hafidha Allah ta'ala, min al-shaykh rabbi hafidha Allah ta'ala, yubayin lana fih, anna Allah akram al-insan, bil-aql, wa bil-fitra. Fahada nourun ala nour, ay nourun fitra, زيادة على نور الوحي إذا اجتمع النوران حصل النور الكامل إذا اجتمع حصلت الهداية الكاملة فالفطرة لا تكفي فلا بد من نور آخر لا بد من نور داخلي ونور خارجي ولذلك بعد هذا الفصل عقد الشيخ ربيع فصلا بعنوان إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا ليس نور الذي يقوله التبليغ الله ينورك، لا هذا نور العلم ونور الوحي ونور يقذفه الله في قلوب عباده المؤمنين. إذا فعل الله عز وجل ceci c'est introduction avec lequel commence الشيخ حمد الله تعالى. Il nous montre dedans, hein, il nous explique, il attire notre attention sur les bienfaits avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala est là à honorer les imams. Et ça, c'est une lumière sur lumière. C'est-à-dire la lumière de la fitra et la lumière de la révélation. Et quand les deux lumières se réunissent, il va y avoir la grande lumière pour l'être humain. Quand les deux grandes lumières se réunissent, il va y avoir la guidée complète. La fitra toute seule ne suffit pas. Il faut une lumière de l'intérieur et une lumière de l'extérieur. C'est pour ça, tout de suite après ce passage, Cheikh Rabbi a son prochain passage, son prochain chapitre, ça va être Comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les humains en leur envoyant des messagers alayhi salatu wassalam et il leur a descendu aussi des livres. Lumière sur lumière, Allah subhanahu wa ta'ala guide vers sa lumière qu'il veut. Et ça, c'est la lumière. Nour hada, c'est pas le nom qui est connu dans le lexique d'Yel Tablir. Hada, c'est la lumière de la révélation. Avec la lumière de la fitra, la lumière de la science bénéfique, la science du livre et la science de la sunna, avec la lumière sur laquelle, de la fitra, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté. L'être humain. فنور الفطرة الذي هو نور العقل والبصيرة ثم نور الوحي إذا التقى النوران حصلت الهداية الكاملة فالله عز وجل هو الهادي ومن أسباب هداية الله لعباده أنه زودهم بنور فطري كل مولود يولد على الفطرة فكل بشر يخرج من بطن أمه يخرج مفطورا على التوحيد مفطورا على معرفة الله وإفراده بما هو أهله فهذا الدين كما قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها والله عز وجل لم يكتفي بالنداء الفطري بل أنزل الكتب وأرسل الرسل لذلك قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس حجة بعد الرسل لأن الله عز وجل c'est lumière de la fitra qui est la lumière de la raison de la clairvoyance plus la lumière de la révélation quand ils se rencontrent si deux lumières se rencontrent la guidée complète va être dans la vie de la personne Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui guide fait partie des causes de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, c'est qu'il les a dotés de cette fitra. Et il est dit dans le hadith, tout nouveau-né naît sur la fitra. Donc ça veut dire que tout être humain sort du ventre de sa mère et il est sur le monothéisme, sur le fait de connaître Allah et de nous réserver le culte. Et ça, c'est la religion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, accomplis ta face dans le monothéisme, dans la religion, ça c'est la fitra d'Allah sur laquelle il a créé les gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas suffi tout simplement de cet appel de la fitra, mais il a envoyé les livres, et il a envoyé les messagers, alayhi salatu wassalam, il est dit dans le verset, des messagers qui sont annonciateurs et avertisseurs pour que les gens n'aient aucune preuve devant Allah après les messagers. فالله عز وجل أعطى الإنسان العقل لكي يفهم به الحجة والخطاب ورفعه على البهائم لأن البهائم لا عقل لها أما الإنسان فأكرمه الله بالعقل لكي يفهم ما تأتي به الرسل وكذلك أكرمه بالفطرة وهي جعله مهيئا لقبول الحق الله سبحانه وتعالى أدوتي لمن de cette raison pour qu'il comprenne la preuve et le message que lui ramènent les messagers alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a élevé à des degrés supérieurs l'être humain par rapport aux animaux, car les animaux n'ont pas de raison. Quant à l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré avec la raison, pour qu'il comprenne ce que lui ramène, ce que lui transmettent les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala honoré cet être humain avec cette fitra et il a fait qu'il soit prêt pour accepter la vérité. Il lui a donné les moyens, il l'a doté de moyens pour accepter la vérité. ولذلك لو أن إنسانا منذ أن ولد ما دخل عليه التنجيس أو التهويد أو التنصير فهذا الإنسان ينشأ على الفطرة على أنه لا إله إلا الله فإذا أتاه رسول الله بكتاب من عند الله فإنه سيقبله ولن يعارضه لأنه لا مانع عنده فطرته سليمة وسوف يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل الذي أكرمه الله به عز وجل C'est pour ça, frère Allah عز وجل quand l'être humain, depuis qu'il est né, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui vient le détourner de la fitra sur laquelle Allah il l'a doté, c'est-à-dire que ses parents ou son milieu ne l'induisent pas vers le judaïsme ou le christianisme ou le zoroastrien, cet être humain va naître sur la nature, comme quoi il est digne d'être adoré qu'Allah. Et quand le messager d'Allah va lui ramener le livre d'Allah, il va l'accepter, il ne va pas s'opposer au message d'Allah, parce qu'il n'a aucun obstacle. Sa fitra est restée saine, et donc il va comprendre du prophète d'Allah avec sa raison avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. فالله عز وجل قد خلق الإنسان مهيئا لقبول التوحيد والدين وذلك بفطرته التي فطره الله عليها وأكرمه بالعقل ليفهم به لكن قد يفسد العقل وتفسد الفطرة ويأتي هذا الفساد من الخارج وهذا الذي سيبين لنا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود لا يولد على الفطرة فهو يولد على قبول التوحيد وعلى التوحيد فالانحراف العقدي يأتيه من والديه ومن مجتمعه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain prêt à accepter le monothéisme, prêt à accepter la religion. Il l'a créé sur une nature qui accepte la vérité. Il l'a honoré avec la raison pour comprendre. Mais le mal va s'immiscer dans la raison de cette personne. Il va s'immiscer dans la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé, et ce mal va lui venir de l'extérieur, comme va nous le montrer le prophète alayhi salam dans ce hadith cité par Cheikh ici, chaque nouveau-né naîtra sur la fitra. C'est-à-dire il est né sur le fait d'accepter le monothéisme, sur le fait d'accepter la vérité et la religion. Et la déviation dans ses croyances va venir de ses parents ou de sa société. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودة إلى كلام الشيخ حفظه الله تعالى يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. Donc, cher de nous citer un hadith rapporté par Imam Bukhari rahimahullah ta'ala et par d'autres, que ce soit l'Imam Ahmed ou l'Imam Malik ou Tirmidhi ou autre, et que tout nouveau-né est né sur le fitra, sur la nature d'accepter, sur le monothéisme, sur le fait d'accepter la vérité. Et il dira, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses parents qui vont faire de lui qu'il soit juif, chrétien ou zoroastrien. Comme naît la bête complète, sans aucun défaut, c'est-à-dire il n'y a rien qui complète quand une bête, il sort du ventre de sa mère, hein, du ventre de... Hein, et il est complète, ses oreilles sont complètes, etc. Ce sont les êtres humains qui vont lui couper les oreilles, ou qui vont lui tailler les cornes, qui c'est des moutons, etc. On ne voit aucun défaut sur cette nouvelle naissance chez les animaux. Il n'y a rien. C'est après, ce sont les humains qui vont soit lui couper la queue, soit le castrer, soit lui couper les oreilles, autre. Il y avait horreur à dire à la fin de ce hadith, quand il a cité ce hadith, il dit, la création d'Allah sur laquelle, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire le monothéisme, ou l'islam, la soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala, sur laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé les gens. Fasma akhar islam. Al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, قال, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. إذن, من أين يأتي الكفر للإنسان؟ من أين يأتي الكفر للإنسان والانحراف؟ الكفر والانحراف يأتي من الخارج, لأنه فطر على التوحيد. ثم ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, فالبهيمة تلد بهيمة كاملة ما فيها نقص. من أين يأتيها النقص؟ قطع الأذنين, كسر القرنين, قطع الخصيتين, إنها تولد كاملة سليمة. كذلك الإنسان يولد بفطرة سليمة وتفسد بالمؤثرات الخارجية. Donc, dans ce hadith, frère en Allah, Zawajal, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout montre que ce sont les parents qui vont faire du nouveau-né juif aux zoroastriens, aux chrétiens. Donc d'où vient la déviation pour l'être humain? D'où vient la mécréance pour l'être humain? Il lui vient de l'extérieur. Parce qu'il a été créé sur le monothéisme et sur le fait d'accepter la vérité. Et la déviation et la mécréance va venir de l'extérieur. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous a donné un exemple pour comprendre. Il a dit comme la bête qui naît et qui sort du ventre de sa mère, il sort complète. Il est complète, il n'a aucun défaut. Il n'y a rien qui lui manque. Donc le fait que les oreilles soient coupées, c'est l'être humain qui va lui couper les oreilles. Donc ou tailler les cornes, c'est l'être humain qui va le faire. Mais à la base, et à l'origine, il est sorti du ventre de sa mère complète. Et il en est de même pour l'être humain. Il sort du ventre de sa mère avec la fétra saine, avec la... Il est prêt pour accepter le monothéisme. Et qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va divier? Ce sont les influences de l'extérieur. فَمَا أَعْضَمَ مَا أَكْرَمَ اللَّهُ بِهِ الْإِنسَانِ أَنْ وَهَابَهُ الْفِطْرَةَ الَّتِي تَجْعَلُهُ مُهَيْئًا لِقَبُولِ الدِّينِ وَالتَّدَيُّنِ وَوَهَابَهُ الْعَقْلِ الَّذِي يَفَهُمُ بِهِ حُجَّةَ اللَّهِ وَدِينَ اللَّهِ. Et combien il est grand, il est géant. Hein? Cet honneur avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain. Il lui a donné cette fitra. Et il a fait de lui qu'il est prêt à accepter la religion et à accepter la vérité. Et il l'a doté de cette raison qui lui permet de comprendre la preuve d'Allah et la religion d'Allah. وَلِذَلِكَ خَلَقَ اللَّهُ هَذَا الْإِنسَانِ وَجَعَلَ التَّدَيُّنَ صِبْغَتَهُ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْفَكَّ عَنْهُ فِطْرَةَ اللَّهِ. فالإنسان لا بد أن يتدين. فطره الله على التذلل والخضوع والحب. ولو صرف كل هذا إلى حجر أو إلى هواه فلا يمكن أن يبقى بدون دين. فهذا مستحيل. فهو الله عز وجل c'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى il a créé cet humain. Il l'a créé pour l'adorer. Et il a fait que sa nature soit le fait d'accomplir la religion. La nature de l'être humain, c'est d'accomplir la religion pour Allah Azza wa Jal. Et c'est impossible qu'il se détache de la religion de l'être humain. Ça, c'est la fête de la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Obligatoire que l'être humain ait une religion. Ça, c'est la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il est obligé qu'il soit soumis à quelque chose, qu'il oublie à quelque chose, qu'il aime quelque chose, même si son amour, sa dévotion, il la donne à une pierre ou à ses passions. Et c'est impossible qu'il reste sans religion. Impossible. Soit il adore ses passions, soit il adore autre chose, ou il adore les femmes, ou il adore. Mais il est adorateur de nature. Soit il voue son adoration à Allah, ou alors au faux et au blâmable. Et dans ces cas-là, il suit Shaitan. ولذلك لما أضاع الله أضاع الإنسان ربه ولم يعرفه عندما فسدت فطرته عبد الأشجار وعبد الأحجار وعبد النجوم والدرهم والبقر والملائكة والجن وتعرفون أن من البشر من يعبد البقر إلى اليوم. لأن الله عز وجل يكون تريما أنيجليجي Allah, il a négligé la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa nature a été dénaturée. Et il a adoré les arbres, il a adoré les pierres, il a adoré les astres, il adore l'argent, il adore les vaches, il a adoré les anges et les jeunes. Et vous connaissez que sur la planète, il existe encore des gens qui adorent les vaches. En Inde, au Pakistan. وَيَذْكُرُ الْعُلَمَاءَ أَنَّ مَعْبَدَ الْفِلْهِنْ وَهُوَ مَعْبَدٌ كَبِيرٌ تدفع له القرابين من جميع الهند تعبد فيه الفئران مبنى عظيم من الرخام الأبيض الفاخر وتعبد فيه الفئران فانظروا عندما فسدت فطرة الإنسان ماذا يعبد. Et les hommes de science citent qu'il y a un énorme temple en Inde, un énorme temple, et ce temple est construit et décoré avec le meilleur et le plus cher des marbres, le marbre blanc. Et ce temple est réservé à l'adoration des rats. Regardez maintenant. Et vers ce temple arrivent les sacrifices de différentes régions de l'Inde. Regardez maintenant contre la nature, contre L'être humain a été dénaturé. Et quand sa fitra a été dénaturée, qu'est-ce qu'il adore? À quoi il vous son culte? يقول أحد المؤرخين أنه رأى مدنا بدون قصر ومدنا بدون أسواق ومدنا بدون مسارح ولم يرى مدنا بدون معابد. تمع عن هذا يا أخ الإسلام. Et un certain historien disent qu'ils ont vu des villes sans théâtre, des villes sans palais, des villes sans marché. Mais ils n'ont jamais vu de ville sans temple. Il n'existe pas. Au petit coin, perdu dans les montagnes, tu trouveras toujours des temples. Là dans lequel on va adorer Allah, là dans lequel c'est le faux qui s'adore. Obligé, parce que l'être humain est né pour adorer. C'est sa nature. لماذا لا توجد مدينة بدون معبد؟ لأن الإنسان مفطور على التدين. مفطور على التدين ولا بد له منه. ولو صرف دينه وخشوعه إلى فأر أو بعوضة أو فرش. Pourquoi il n'existe pas de maison, de ville sans temple? Parce que l'être humain, c'est sa nature qu'il vaut le culte pour quelque chose. Ben, s'il ne vaut pas son culte à Allah, il va le vouer à un rat, ou à un moustique, ou à un sexe, à n'importe quoi il va le vouer après. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا كل ما نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا والحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إيه عياض Ibn Himar, Mujashi'i, dans ce hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une khutba un jour, il leur a dit dans sa khutba, mon sovereign m'a ordonné de vous apprendre ce que vous ignorez parmi les choses qu'il m'a appris aujourd'hui. Ça te prouve que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas de ses propres passions. Que c'est une révélation qui lui est faite min Allah Azza wa Jal. Et il dit, alayhi salatu salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, tout ce que j'ai donné à mes serviteurs, il est halal pour eux. Et j'ai créé mes serviteurs monothéistes tous. Tous, je les ai créés monothéistes. Et les shayatim sont arrivés vers eux. Ils se sont accaparés d'eux et ils les ont changés de leur religion. Ils leur ont interdit ce que je leur ai fait licite. Et ils leur ont ordonné de m'associer des choses sur lesquelles il n'y a aucune preuve. Ça, cela te prouve quoi? Tout prouve que la déviation et la mécréance pour l'être humain, ils lui viennent de l'extérieur et de l'entourage. ونأتي إلى الفصل الثاني من كتاب الشيخ ربيع وهو إكرام البشر بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم. Et nous arrivons vers le deuxième chapitre. Le titre est l'honoration des êtres humains en leur envoyant les messagers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés en leur envoyant les messagers. Et en descendant vers les livres. فبعد إكرام الله عز وجل الإنسان بالفطرة والعقل أكرمه الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب مرة أخرى حتى يعرف تفاصيل الدين الذي أراده الله فالفطرة تدعو إلى التوحيد على سبيل الإجمال. فبها يعرف الإنسان أنه أن له ربا، وبأن لهذا الكون خالقا، وأنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله، فهو مفطور على ذلك، لكنه لا يعرف تفاصيل العبادة والدين وما يحرم عليه وما يحل له وما يجوز له وما لا يجوز، ما يعرف كل هذا. Donc, selon Allah Azza wa Jal, dans ce passage, Cheikh Rabi' nous montre qu'après que Allah subhanahu wa ta'ala honore l'être humain avec la fitra et avec la raison, Allah subhanahu wa ta'ala il la comble d'un grand et d'un énorme bienfait aussi, qui est le fait qu'il a envoyé vers lui les messagers et qu'il a descendu des livres sur ces messagers. Encore une fois, il l'a honoré et il l'a comblé de ce grand bienfait pour qu'il connaisse le détail de la religion à partir des livres que vont lui transmettre et vont lui enseigner les messagers alayhi wa sallam. Et pour qu'il puisse connaître les détails de la religion sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit. Le fitra appelle vers le monothéisme, un appel général. C'est avec la fitra que l'être humain sait qu'il a un souverain et que cet univers, il a un créateur et qu'il n'est pas permis de vouer le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est inné en lui. Mais il ne connaît pas les détails de l'adoration. Il ne connaît pas les détails de la religion. Il ne sait pas ce qui lui est interdit et ce qui lui est illicite. Ce qui lui est permis, ce qui ne lui est pas permis. Comment il va le savoir ? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré avec l'envoi du messager et du livre. ولذا أكرمه الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب لبيان التفاصيل. فهذا الإنسان الذي آمن بفطرته إيمانا إجماليا فبإرسال الرسل وإنزال الكتب سيؤمن إيمانا تفصيليا. Donc, puisque la fitra appelle vers une connaissance générale, Allah subhanahu wa ta'ala honore l'être humain en lui envoyant des messagers, en descendant des livres, pour lui détailler la religion que veut de lui Allah subhanahu wa ta'ala. Cet être humain qui a cru, qui a eu une foi générale par sa fitra, avec l'envoi des messagers, et avec la descente des livres, il va croire, il va avoir une croyance détaillée. Fanduru wa ta'ammalu ikhwat al-islam هذا الترتيب البديع من الشيخ ربيع من هذا الشيخ المبارك. الفصل الأول من الكتاب بين فيه نعمة إكرام الله للإنسان بالفطرة والعقل، وهذه نعمة مجملة. وهذا الفصل الثاني فيه نعمة إرسال الرسل والكتب، وهذه نعمة مفصلة. Regardez avec moi, observez avec moi et méditez cette organisation dans le livre de ce noble cheikh qui est son éminence Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى. Le premier chapitre, il a montré comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala il a honoré l'être humain en le faisant naître sur la soumission et sur la fitra, en le dotant de la raison aussi. Et ça, c'est une ni'ma globale. Et après, dans le deuxième chapitre, il nous montre ce bienfait min Allah Azza wa Jal qui l'envoie des messagers et la descente du livre, qui est une ni'ma détaillée. يقول الشيخ في هذا الفصل ثم لم يكلهم الله إلى ما أتاهم من فطرة وعقل بل أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب لتبين لهم الحق من الباطل ولتكون مرجعا لهم فيما يختلفون فيه حتى لا يبقى للناس أي عذر ولتقوم عليهم الحجة فلا يبقى لهم حجة على الله بعد الرسل. Et Cheikh Rabi' de nous dire dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas laissés libres à eux-mêmes. Il ne les a pas laissés libres à leur fitra et à leur raison, mais il leur a envoyé des messagers, annonciateurs et avertisseurs, et il a descendu avec eux des livres pour leur montrer la vérité et le faux, et pour que ces livres soient une référence pour eux, et pour qu'ils reviennent vers ces livres au moment où ils ont des divergences entre eux, pour qu'il ne reste plus d'excuses à tout un chacun devant Allah Azza wa Jal, parce que la preuve de Allah subhanahu wa ta'ala s'est accomplie. Et que après l'envoi du messager, personne n'a d'excuse devant Allah Azza wa Jal. ويقول حفظه الله تعالى ومتع به وكلف جميع الأمم بطاعة هؤلاء المصطفين الأخيار واتباعهم والانقياد لهم وأنزل أشد العذاب العقاب بمن كذبهم وعاندهم في الدنيا وسوف ينزل بهم العذاب الأنكى والأشد العذاب السرمدي الخالد في دار الجزاء العادل. الله سبحانه وتعالى dit Cheikh Habibullah Ta'ala, il a ordonné à toutes les communautés, il a fait obligatoire à toutes les communautés qui sont passées d'obéir à ces nobles élus, qui sont les prophètes et les messagers d'Allah, et qu'il faut les suivre. Et il a descendu des énormes châtiments pour les peuples qui n'ont pas suivi leurs prophètes, qui ont démenti le message de leurs prophètes, et qui se sont entêtés et qui se sont levés contre leurs prophètes, et dans le delà, ils vont avoir un châtiment éternel. Dans la maison de la récompense et de la justice, ils vont avoir le châtiment éternel et douloureux. يقول الشيخ حفظه الله ما هي رسالة هذه الصفوة المختارة من البشر صلوات الله وسلامه عليهم وما الذي قدموه لأممهم. Et Cheikh de nous poser la question, et c'est une question qui doit attirer notre attention, pour comprendre avec quoi commencent les prophètes, alayhi salam. C'est pas une question qui a été posée ici en vain, c'est pour attirer notre attention sur la voie sur laquelle nous devons être dans la da'wa ilallah, et sur la voie de la da'wa dans les messagers, alayhi salam. Et il dit, Habibullah Ta'ala, c'est quoi ce message de ces nobles illumine Allah parmi les humains. Et qu'est-ce qu'ils ont donné à leur communauté? Qu'est-ce qu'ils ont présenté à leur communauté? Alayhi salatu wassalam. يقول حفظه الله إن رسالاتهم تشمل كل خير وتبعد من كل شر فقدموا للإنسانية كل ما يسعدها في الدنيا والآخرة فما من خير إلا ذل الناس عليه ولا شر إلا حذر الناس منه. دي حفظه الله تعالى كل مساج انجلوب تو بيان اي دون لو مساج يا توت شوز qui doit éloigner les gens du mal. Et ils ont donné à l'humanité, ils ont présenté à l'humanité, et exposé à l'humanité, et transmis à l'humanité, ce qui va faire son bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Tout bien qui existe, ils ont orienté les gens vers ce bien. Et tout mal qui existe, ils ont averti les gens contre ce mal. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنا في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في شجره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, et voici un autre hadith que nous rapporte Cheikh ici, Habibullah Allah Ta'ala. Il dit que de Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, a dit nous étions en voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam, et nous avons compris dans un autre endroit. Dans un endroit. Il y a parmi nous ceux qui réparent leurs chaussures, d'autres qui s'entraînent aux flèches, et d'autres qui sont avec les bêtes, là où broutent les bêtes. Et tout d'un coup, l'annonciateur du prophète alayhi salam a lancé son appel, la prière réunie. Et nous nous sommes réunis autour du prophète alayhi salam, et il a dit, فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الآخر. Il dit, dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand ils étaient réunis autour de lui, tout prophète qui est venu avant moi, il était de son devoir de montrer à sa communauté tout le bien qu'il connaît et de les avertir de tout mal qu'il connaît. Votre communauté, celle-ci, c'est-à-dire notre communauté, son bien, il est dans son début. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se cramponne à la voix de le plus élevé d'Allah Alim. Il va arriver à la fin de cette communauté des épreuves et des choses que vous n'allez pas reconnaître. Il va lui arriver des situations qui sont énormes et des catastrophes qui sont pires que celles qui sont passées. Et chaque fois qu'arrive une catastrophe, le croyant il dit, c'est ce qu'il va me faire perdre. Et il va se dissiper cette catastrophe et cette perturbation. Et arrive l'autre, et le croyant, il dira, c'est celle-ci qui va me faire perdre. Et ainsi de suite. Et Rasoul a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui veut être dévié de l'enfer et rentrer au paradis, quand il arrive la mort, qu'il soit parmi ceux qui croient en Allah et en le delà, et qu'il fait aux gens ce qu'il aimerait qu'on lui fasse. Et quand il donne son allégeance à un gouverneur, il doit lui obéir s'il peut. Et si un autre vient concurrencer ce gouverneur, il faut lui couper la tête. C'est-à-dire si un autre vient à se révolter contre ce gouverneur ou à essayer de concurrencer ce gouverneur sur le pouvoir, il faut que ceux qui ont le pouvoir lui coupent la tête. Parce qu'il va ramener la perturbation et la fitna dans la communauté. يقول الشيخ حفظه الله هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذر من كل شر لكن من أين تنطلق وهذا تمعن هذا السؤال من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز إن هناك دعائم وقواعد وأصولا تركز عليها دعواتهم وتكون أول منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله. Donc, Cheikh Rabi' de nous dire, ça c'est le message de tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Ils orientent vers tout bien, ils avertissent contre tout mal, mais d'où le point de départ, il est d'où, il commence d'où? Ça c'est une question à laquelle tu dois prêter attention, frère en Allah. D'où commence la da'wah des prophètes alayhi salatu wassalam? C'est quoi le point de départ de la da'wah des prophètes alayhi salatu wassalam? Et sur quoi ils appuient leur da'wah? Car il y a des bases et des règles et des fondements sur lesquels est construite la da'wah des prophètes alayhi salatu wassalam et qui doit être le pivot et le point de départ de la da'wah de tous les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shahidu إخوة الإسلام أن كل نبي بلغ أمته طريق الخير وبلغ البلاغ الكافي. وهنا في هذا المقطع سؤال عظيم يجب الوقوف عنده من هذا الشيخ الكريم. نسأل الله أن يديم حياته في الدفاع عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. سؤاله من أين تنطلق؟ أي من أين تنطلق دعوة الأنبياء وبماذا تبدأ؟ فدعوة الأنبياء هي دعوة النصيحة ودعوة البيان المبين، لكن ما هي نقطة انطلاقتها وما هي بدايتها وعلى أي شيء تركز؟ والله عز وجل تيموانياج دون سو حديث سكو تو بروفيت كي تاريفي افون محمد عليه الصلاة والسلام Il a transmis à sa communauté comme il se doit, il les a avertis, il les a montré le chemin du bien et le chemin du mal, comme il se doit. Et notre prophète a été excellent dans cette transmission et dans cet éclaircissement. Mais ici que Allah nous bénisse, il y a une question énorme, une question très importante de son éminence Cheikh Rabi'. Que Allah prolonge la vie dans son obéissance et dans la défense de la voie de la plusieurs d'Allah Alim. Il pose cette question devant laquelle nous devons nous arrêter. D'où part la da'wah du prophète ﷺ? Et par où il commence? C'est quoi le début de la da'wah du prophète ﷺ? Car la da'wah du prophète ﷺ, c'est la da'wah du conseil. C'est la da'wah de l'éclaircissement total. Mais c'est quoi le point de départ? D'où commence la da'wah du prophète ﷺ? Sur quoi il s'appuie? C'est quoi ses bases? فمن خلال هذا الكتاب إن شاء الله سيوضح لنا هذا العالم الرباني المنهج الذي أصلح الأنبياء به أقوامهم لأنهم واجدوا فسادا أعظم مما نراه الآن. فكيف بدأوا؟ هل قاموا بالانقلابات؟ هل دعوا إلى الثورات؟ هل عملوا تنظيمات حركية أم مظاهرات؟ أم دعوا إلى التوحيد؟ فدعوة الأنبياء تدعو إلى كل خير، لكن ما هي ركائزها؟ فإن الله عز وجل à travers ce livre, nous allons connaître, Cheikh Hafidhahu Allah Ta'ala va nous éclairer sur la voie qu'ont pris les messagers alayhim pour réformer leur peuple. Et la voie sur laquelle ont marché les prophètes pour remédier au mal qui avait que vivait leur peuple, alors qu'ils vivaient dans des mal encore pires que ceux que nous voyons. Comment ces prophètes ont commencé pour réformer leur société et leur peuple? Est-ce qu'ils ont accompli des putschs militaires ou des révolutions où ils ont appelé au fait de se lever contre les gouverneurs, ou là ils ont organisé, ils ont créé des organisations secrètes qui tirent les ficelles de derrière les rideaux? Ou alors ils ont appelé vers le monothéisme? Car la da'wa du prophète, c'est une da'wa qui appelle vers tout le bien. Et c'est quoi la base de cette da'wa? فاسمع الى قواعد الدعوة يسردها علينا الشيخ يقول حفظه الله تلك الأسس والقواعد هي التوحيد النبوات المعاد. Écoute maintenant, خيرنا الله عز وجل, ces règles sur laquelle ont été basées et les fondements sur lesquels était basée la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh, il nous les cite. Le monothéisme, la prophétie, le ma'at, c'est-à-dire la résurrection. La résurrection après la mort. فركائز دعوة الأنبياء التوحيد. ركائزهم وانطلاقهم لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والنبوات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعاد الإيمان بالبعث بعد الموت والإيمان بالحساب والجنة والنار. هذه الأسس عند التأمل هي التي قامت عليها دعوة محمد عليه الصلاة والسلام في مكة. Donc les bases de la da'wah du prophète عليه الصلاة والسلام, la première base et la principale, لا إله إلا الله نتين دي تخبرك الله. La deuxième point, la prophétie. محمد est le messager d'Allah عز وجل. Le troisième, le fait de croire en la résurrection, en ce qui va arriver en la mort et ce qui va arriver après la mort, on les compte, on le paradis, l'enfer. Et quand il me dit que c'est trois piliers sur lesquels était basée la da'wah du prophète, tu trouves que ça, ce sont les piliers sur lesquels la da'wah de Muhammad alayhi salatu wassalam s'est accomplie à Mecca. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو المشركين إلى الإيمان بوحدانية الله وعبادة الله وبأن يؤمنوا بأنه رسول من عند الله، لأنهم كانوا يكذبونه، وكان من أقوالهم أجعل الآلهة إلها واحدة إنكارا منهم للتوحيد، وكانوا يكذبونه ويسخرون منه، وإذا مر بهم يستهزئون به، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فإن الله عز وجل القرآن عليه الصلاة والسلام أبلي للأسوسياتور à la mettre vers la foi en Allah, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah, et qu'elle croit que lui est le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il est envoyé min Allah, mais ils l'ont démenti, ils l'ont pris comme menteur. Et parmi leurs paroles, ils lui disaient, est-ce qu'il a fait que la divinité soit une seule divinité? Ils ont rejeté le monothéisme. Et ils se moquaient de lui. Ils le prenaient comme menteur. Et quand il passe devant eux, ils se moquaient de lui. Est-ce que c'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme messager? Ankaru al-asl al-awwal ba'da ibadatihim. Ankaru al-asl al-awwal bi'adam ibadatihim illallah subhanahu wa ta'ala. Wa ankaruha ghayra al-inkar. Ghaya al-inkar. Wa lam ya'tarifu bi risalatihi wa ankaruha ghaya al-inkar. Ils ont rejeté le premier fondement qui est le fait de réserver le culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont rejeté fortement. Ils ne l'ont pas reconnu. Aussi, ils ont rejeté le deuxième fondement qui est Muhammad et le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont rejeté fortement. Wa ankaru kadhalika al-asl al-thalith wa huwa al-ba'th ba'da al-maut. Ils ont rejeté le troisième fondement qui est la résurrection après la mort. وأنكروا كذلك قالوا من يحيي العظام وهي رميم مستبعدين هذا إذا كنا عظاما ورفاتا أنبعث بعد الموت وذكر لنا قصة ذلك المشرك المعاني عندما جاء ذكر لنا ذلك ربنا عز وجل في القرآن عندما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعظام وهي رميم أي أصبحت ترابا فقال له يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه انظر هذا الاستنكار والاستبعاد فقال له عليه الصلاة والسلام نعم يبعثك ويعذبك وفي هذا جاء قوله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ضرب لنا مثلا بماذا بالعظام الرميم ونسي خلقه نسي أنه خلق من عدم وأنه مخلوق من تراب وقال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أي الإعادة أسهل وهذا معروف ولكن المشركين لا عقول لهم. Frère Allah, ils n'ont pas reconnu, ils ont rejeté aussi le troisième fondement qui est la résurrection. Et là, ils n'ont pas reconnu le fait qu'ils vont être ressuscités après la mort. Ils ont dit, est-ce que nous allons être ressuscités une fois que nos os vont devenir de la poussière et de la terre? Nous allons être ressuscités? Ils se moquaient. Et une... Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité leur histoire dans le Coran. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il y avait un associateur entêté qui est venu devant lui. Il lui a dit, il a pris des os de bêtes qui sont devenus de la poussière. Il les a ramenés. Il a dit, tu prétends que ton sevra va ressusciter ça après qu'il soit poussière, tout en se moquant du prophète alayhi wa sallam. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah il va te ressusciter, il va te châtier. Et ceci est arrivé clairement dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, il nous a fait un exemple, il a oublié sa création. L'exemple c'est quoi? Avec les os qui sont devenus de la poussière. Il a oublié comme quoi lui il n'existait pas et que lui il a été créé de la terre et qu'il n'existait pas, qu'il était dans le nuage. Le lion, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé de rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui commence la créature et qui la refait. Et ça c'est plus facile pour lui de la refaire. Car le fait de recommencer une chose, pour ceux qui sont doués de raison, est plus simple que le fait de le créer. Mais les associateurs n'ont pas de raison. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فأين عقل المشركين المكذبين؟ فهذه العظام من الذي أنشأها أول مرة وخلقها من عدم؟ أليس الذي خلقها بقادر على أن يبعثها مرة أخرى؟ Il est dit dans le verset, il nous a donné un exemple, il a oublié sa création, comment lui il a été créé. Il a dit qu'il va refaire vivre, qui va pouvoir refaire vivre les autres alors qu'ils sont poussières. Dis-lui, va les faire vivre, revivre, celui qui les a créés la première fois, et il connaît toutes choses et il sait tout de toutes les créations, de toutes les créatures, et il est capable de toutes. Pour tout créer, où est la raison de l'associateur qui dément le message d'Allah? Ces os, qui les a fait naître la première fois? Qui les a fait sortir du néant? C'est Allah Azzawajal qui les a sortis du néant la première fois. N'est-il pas capable de les ressusciter une deuxième fois? فكان المشركون في مكة يردون هذه الأصول ويكفرون بها والقرآن المكي يدور على هذه الأصول التوحيد الرسالة والبعث فكل أنبياء الله ركزوا على هذه الأصول الثلاثة ولم يكونوا زعماء ثورات ومظاهرات وخروج على الحكام وغير ذلك من الطراهات الحركية فدينهم عليه الصلاة والسلام في هذه الأصول الثلاثة واحد وأصل الأصول في هذه الثلاثة إنما هو التوحيد. Donc les associateurs de la Mecque rejetaient ces trois fondements. Et mécroyant ces trois fondements, et mécroyant et le Coran mécois qui est descendu à l'époque mécoise tourne autour et nous parle de ces fondements. Le monothéisme, le message, la résurrection. Et tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala ont appuyé leur da'wa sur ces trois fondements. Et les prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'étaient pas des leaders politiques, mais des gens qui appelaient vers les révolutions, et vers les manifestations, et vers le fait de se soulever contre les gouverneurs, et vers le fait de faire des putsch militaires, et autres, parmi ce que tu entends de ces activistes. La religion des prophètes, alayhi salatu wassalam, était dans ces trois fondements. Et la base des bases dans ces trois fondements, c'est le monothéisme qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَذِي الْأُسُسْ تَلَاتَ يقول الشيخ هَذِي الْأُسُسْ تَلَاتَ هِيَ مُلْتَقَى دَعَوَاتِهِمْ وَوُصُولُهَا وَقَدْ اهْتَمَّ بِهَا الْقُرْآنِ غَايَةَ الْاِهْتِمَامِ وَبَيَّنَهَا غَايَةَ الْبَيَانِ وهي أهم مقاصده التي يدور عليها ويكررها ويورد الأدلة العقلية والحسية عليها في جميع صوره وفي غالب قصصه وأمثاله يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر وجودة تصور. Donc ces trois, Cheikh Rabi' de nous dire, ces trois fondements, c'est le point de réunion de la da'wa de tous les prophètes alayhi salatu wassalam, et c'est leur base de départ et leur pilier principaux. Et le Coran s'est occupé de ces fondements, une grande occupation, et il leur a donné de l'importance. Il nous en a éclairé, il en a fait un détail très clair. Et c'est les plus importants buts autour de laquelle tourne la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est le principal but autour de laquelle tourne le Coran. Et c'est répété dans le Coran. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a cité des preuves qui appellent la raison et des preuves du domaine du palpable. Dans tous les versets, dans toutes les sourates et dans la majorité des histoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en exemple, connaissent ceci et le connaît réellement. Ceux qui ont une compréhension digne et saine et qui savent méditer et qui ont une imagination saine. وقد عنيت بهذا كتب الله بأجمعها واتفقت عليها الشرائع السماوية بأسرها. Et les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala tous se sont réunis sur ces trois principes fondamentaux. Le monothéisme, la prophétie et la résurrection. Et toutes les législations qui sont descendues du ciel sont unanimes là-dessus. وأهم هذه الأسس الثلاثة وأجلها وأصل أصولها هو توحيد الله تبارك وتعالى. الذي تضمنته غالب سور القرآن بأنواعه الثلاث المشهورة، بل تضمنته كل سورة من سور القرآن. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. Donc, il cherche de nous dire, et la plus grande base, et le plus grand pilier dans ces trois piliers, et le plus important, et le plus élevé, c'est la base de tout ça, c'est le monothéisme, c'est le fait de réserver le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce monothéisme, il est cité dans la majorité, dans toutes les sourates du Coran, avec ces trois composantes qui sont connues, que vous connaissez. Tous les versets, tous les sourates contiennent le monothéisme. Car le Coran, premièrement, il nous annonce les noms et les attributs d'Allah. Et ça, c'est le monothéisme scientifique et annonce ce que nous devons connaître de notre souverain Azza wa Jal. Soit le Coran, c'est une da'wa vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas lui faire d'associer et de mettre de côté tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le monothéisme demandé et que nous devons mettre en application. Soit le Coran, ce sont des ordres que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et des interdictions qui nous intiment, et le fait d'obéir, il nous ordonne d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'abstenir de ce qui nous a interdit, et ça, ça fait partie des droits du monothéisme, et des choses qui vont compléter notre monothéisme, et qui vont parfaire notre monothéisme. وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ رَابِعًا إِمَّا خَبَرٌ عَنْ إِكْرَامِهِ لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا فَعَلَ بِهِمْ وَمَا فُعِلَ بِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَمَا يُكْرِمُهُمْ بِهِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْآخِرَةِ فَهُوَ جَزَاءُ التَّوْحِيدِ. Et quatrièmement, le Coran, ce sont des annonces. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous annonce avec quoi il a honoré les gens du monothéisme dans ce bas monde. Et qu'est-ce qu'il leur a réservé dans ce bas monde? Et ce qui les attend comme honneur et comme élévation dans le delà? Et ça, c'est la récompense du monothéisme. كَذَلِكَ الْقُرْآنِ خامسا خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. Donc, et le cinquième point, c'est que le Coran nous annonce la situation des associateurs et des gens de l'associationnisme. Est-ce qu'il leur est arrivé comme châtiment dans ce bas monde? Est-ce qu'il les attend comme châtiment éternel dans le delà? Hein? Et le châtiment, c'est la récompense de celui qui est sorti de ce bas monde et qui n'a pas accompli le monothéisme. Donc le Coran tourne en entier dans le monothéisme, dans les droits du monothéisme et la récompense du monothéisme, et il concerne l'associationnisme et les gens de l'associationnisme et le châtiment qu'ils vont avoir les gens de l'associationnisme. Et pour plus de détails, il faut revenir à Cheikh Tahawiya, comme le site ici, Cheikh, sur ce sujet-là, et sur le Coran, et comme quoi le Coran tourne autour du monothéisme, et sur, et l'origine de ces paroles, c'est Tahawiya, mais l'origine réelle, c'est le livre de Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, livre, la parole de Ibn Taymiyyah et de son livre, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahmatullah alayhi, dans Madarij Salikin. فسمعت أخ الإسلام أن القرآن كما قال أهل العلم كله في التوحيد. فلماذا هذا التركيز على التوحيد؟ فكثير من الآيات تختم بهو السميع العليم وهو الغفور الرحيم وهو على كل شيء قدير. لماذا كل هذا التركيز؟ لأن الذي عرف الله حق المعرفة عبده حق العبادة وطلبه، والتوحيد أصله في القلب ويبدأ منه، ولكن لا بد أن يترتب عليه عبادة. فهذا ديننا يقوم على هذا الأصل العظيم، وهو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، كلهم كانوا على التوحيد ودعوا إلى التوحيد وأمروا بالتوحيد. Donc le Coran, comme disent les hommes de science, frère Allah, Zawajal, il est en entier dans le monothéisme. Pourquoi cette répétition et cet appui et cette affirmation, et c'est le fait de rappeler les gens et de les rappeler, de leur rappeler le monothéisme. Tu lis beaucoup de versets, la fin de ces versets te parle d'Allah. Il est celui qui entend, celui qui sait. Il est Samir et l'Alim. Il est le pardonneur et le clément. Il est celui qui est capable de tout. Et ainsi de suite. Pourquoi toute cette répétition et toutes ces confirmations et ces répétitions des noms d'Allah et du monothéisme? Parce que pour une chose essentielle, car celui qui connaît Allah comme il se doit, et qui connaît Allah véridiquement, il va l'adorer comme il se doit. Il va accomplir ce que veut de lui Allah subhanahu wa ta'ala. Car le monothéisme, son origine c'est le cœur. Il commence par le cœur, mais ce qui est dans le cœur doit être traduit par des actes et par une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est de notre religion. Et il s'accomplit sur ce fondement principal qui est le monothéisme. Et ça, c'est la religion de tous les prophètes, alayhi salatu salam. Ils étaient ainsi. إخوان الإسلام فلنحرص على مجالس الخير ولنحرص على الحفاظ على منهج سلفنا الصالح والتمسك به والدعوة إليه ومعرفة منهج الأنبياء فهو طريق نجاتنا وهو السبيل الوحيد والأوحد للنجاح والفوز برضوان الله لمن صار عليه حق المسير وأخذه من أصوله الوحيين من الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة وعلى منهج سلف هذه الأمة فإن الله عز وجل qu'on soit assidu aux assises de bien, aux assises dans lesquelles on a de la clairvoyance et de la compréhension de la voix de nos plus humbles, d'Allah alayhim, et appeler vers ces assises, et aller vers les assises où on va comprendre la voix dans la da'wah du prophète alayhim sallallahu alayhi wa sallam, et la voix qui va nous prévaloir, l'agrément d'Allah sallallahu alayhi wa ta'ala, qui est la voix de nos plus humbles, d'Allah alayhim, de connaître les vertus de cette voix, les emblèmes de cette voix, parce que c'est le seul chemin, et l'unique chemin, qui va nous ramener vers notre réussite, vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si on se cramponne au chemin de nos plus aïeuls d'Allah alayhim, ou au chemin des prophètes alayhim sallallahu alayhi wa sallam, et de nos plus aïeuls d'Allah alayhim, on s'y cramponne comme il se doit, et qu'on le prenne de sa base principale, qui est le Coran, la Sunna, et avec la compréhension et la voix de nos plus aïeuls d'Allah alayhim, on est sur la bonne voie, inshallah. Wa hadha at-talab ibadatun شرعية تحتاج منا كما تحتاج كل عبادة إلى الإخلاص والمتابعة. Et cette façon et cette recherche de cette voie, c'est une adoration en soi. C'est une adoration légiférée. Et toute adoration qui est légiférée a besoin de nous, de la sincérité et du suivi pour qu'il soit accepté. فلا بد لكي نصل إلى هذا المقصد لا بد أن نتحلى بآدابه ونتخلى عن آفاته. Nous avons arrivé à ce but noble, à connaître la voie du prophète عليه الصلاة والسلام et la voie de nos plus élevés d'Allah عليه et à marcher dessus. Il faut que nous ayons le comportement adéquat et qu'on se débarrasse de tous les défauts qui sont incompatibles avec la voie de nos plus élevés d'Allah عليه et incompatibles avec la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Enfin, le fait de demander la science du livre d'Allah, l'authentique de la Sunna, selon la voie de nos plus humbles d'Allah alayhim, ceci est une place énorme. Et ça, طلب العلم على منهج السلف رضي الله عليهم وطلبه من الكتاب والسنة وفق منهج وفهم السلف, ceci est une énorme place, c'est une place honorable. Et ça a une grande place dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et وَأَصْحَابُهُ لَهُ وَعْدٌ مِنَ اللَّهِ ولهم كذلك والذين تخلفوا عنه وعن تحقيقه بعد علمه لهم وعيد من الله سبحانه وتعالى. Et ceux qui s'acharnent à trouver cette voie-là et aller sur cette voie-là et accomplir cette voie-là, ils ont une promesse min Allah Azza wa Jal, qui est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui connaissent la voie et qui ne l'accomplissent pas, qui ne la mettent pas en application et qui sont détournés, ils ont un avertissement min Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك قال إمام الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله فإن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد وعلم الحدود المنزل c'est pour ça que l'imam qui extrait les فوائد et les points à retenir par excellence qui est Ibn al-Qayyim il a dit la plus grande des aspirations que tu dois avoir c'est de l'avoir dans la demande de la science la demande de la science du livre et de la sunna et le fait de comprendre d'Allah Azza wa Jal et son messager ce qu'ils veulent et de connaître la limite ce qu'il a descendu ça c'est la chose la plus honorable et c'est la plus haute des aspirations à laquelle il doit aspirer frère en Allah Azza wa Jal فمن رزق من أشار إليه ابن القيم رحمه الله من هذه الهمة العالية لتحقيق هذا المطلب النفيس فقد هدي celui Allah subhanahu wa ta'ala a donné les choses sur lesquelles a attiré l'attention de l'Qayyim rahmatullah alayh parmi la haute aspiration, celui-là, pour accomplir ce but noble, il a été guidé. قال العلامة السعدي في منظومته رحمه الله اعلم هديت إن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. Et écoute maintenant son éminence, c'est-à-dire Rahmatullah Alayh, dans sa poésie, il dit, sache que là, tu vas être guidé, que la meilleure, le meilleur des bienfaits avec lequel tu vas être comblé, c'est une science avec laquelle tu vas te débarrasser du doute et de l'impureté. Et qui va te montrer la vérité, t'éclairer. Et cette science éclaire sur la vérité ceux qui ont des cœurs. Et il amène. Et cette science amène, cette science du livre d'Allah, de l'authentique de la sunna selon la voie du plus jeune, amène le serviteur vers le but demandé. Il n'y a rien qui peut nous amener vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala que la science du livre d'Allah. Et la sunna du prophète alayhi wa sallam et la voie avec la compréhension et la voie de ne plus avoir. C'est ça qui va nous débarrasser de toutes les ambiguïtés et qui va éviter que nos cœurs soient habités, soit le refuge des ambiguïtés. Et soit le, et que nos cœurs soient le refuge des plaisirs et des désirs et des choses futiles de ce bas monde. Parce que les ambiguïtés font hériter chez la personne le doute et l'impureté. Et ça, ce sont deux grands défauts et deux grands mal. Et pour s'en débarrasser, se débarrasser des doutes et de l'impureté et des ambiguïtés, il n'y a que la science bénéfique, la science du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam qui puisse le faire. Au lieu de perdre notre temps sur les sites à dormir debout, où on raconte des histoires, où on palabre à des pertes du temps, subhanallah, hier a palabré sur le pourquoi et le comment, dire que c'est bien, que c'est pas bien, je sais plus, ils ont commencé dans l'après-midi dans un salon, à 1h du matin, je rallume, je le vois encore sur le salon. Il y a à dire n'importe quoi, il y a à dire des choses dans lesquelles ils sont en contradiction. L'un d'eux, il dit, Sadaqallahu al-Azim al Qur'an est une innovation. Certes, c'est une innovation. Et il dit, le prophète ne l'a pas fait, les compagnons ne l'ont pas fait, ben on ne le fait pas. Et la même personne, il dit que le khuruj, c'est quelque chose de bien. On lui pose la même question, puisque est-ce que le khuruj de Rasulullah SAW l'a fait, et les compagnons ne l'ont pas fait, l'ont fait. Ils ne l'ont pas fait, ni le prophète, ni les compagnons. Alors pourquoi tu es en contradiction avec toi-même? Ce que tu veux, tu le prends. Et ce que tu ne veux pas, tu le rejettes. Subhanallah. Et sache, frère en Allah, Azza wa Jal, plus tu augmentes ta science bénéfique, plus ta certitude augmente, plus ta foi augmente. Et c'est avec la certitude et la foi que ton bonheur va être parachevé dans ce bas monde et que tu vas avoir la réussite. Il est dit dans le verset, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Il est dit dans le verset, nous avons fait d'eux des imams qui guident avec notre ordre, quand ils ont patienté, enduré, et quand ils avaient la certitude sur le verset. Sache que la science bénéfique, dont la source c'est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam, celle-là elle donne comme fruit la bonne œuvre et la bonne parole. Et l'ignorance fait hériter la mauvaise œuvre et la mauvaise parole. Faire très attention, frère en Allah Azza wa Jal. Celui qui est doué de raison, il doit s'acharner à apprendre la science bénéfique. La science du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, selon la voie et la compréhension de le plus élevé d'Allah alayhim. Et nous allons arrêter là, inshallah, pour cette semaine. Inshallah, la semaine prochaine, en direct de connaître, inshallah, fera le cours, inshallah. Barakallahu fikum, assalamu alaykum. Donc rendez-vous, inshallah, lundi à 20h30, heure française, pour le 10e cours de la. Sur le livre de Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Et on continue le programme comme il est, lundi et jeudi, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Wa sallallahu alaykum. Wa jazakumullahu khair.